tu veux, Rafa, là ? Je suis en train de faire mon devoir chez moi. Ouais, c'est bon. Tu vas rentrer à la maison. Dernier spliff. Ça fait une semaine, je fume que du diamant. Tu vois, ça se voit rien. C'est de la balle, là, il y a de la balle. Putain, c'est stylé, là. Zette là. Il n'y a plus rien depuis que c'est vite essence. Je suis là, c'est pour sa gueule, là, je suis qu'une poker. Moi, je vais frotter au dieu. Il y a de la Yonclave, là, ça fait le charnel, les pas. C'est pas difficile. C'est pas des puzzles, hein.